découvrir au grand jour. D'être sous des détestables, t'aurais pu l'éblouir sans effet, sans lumière. Lui montrer le peu de quoi seul tu es capable. La regarder en face, tu peux te mettre un doigt, compter sur moi derrière, vérifier que ton est toujours.